Chapitre 8e. Ikuteruka était resté impassible. « Qui es-tu » demanda-t-il le chef Tug qui venait de l'interpeller. « Regarde-moi bien et fais-moi immédiatement délier. Ne comprends-tu pas encore que je suis un frère ?» Et le détective japonais prononça une longue formule qui fit reculer le Tug. Comme on le sait, les Tugs, ou étrangleurs, sont une secte de fanatiques qui croient être agréables à la déesse Kali, la déesse de la mort, en lui sacrifiant le plus de gens possible. Chaque année dans l'Inde, le nombre des victimes des thugs atteint un total imposant. Naturellement, des ramifications de l'horrible secte existent en Chine, au Japon et dans presque toutes les parties de l'Asie. Ikuteruka, au cours de ses multiples missions, avait réussi à se faire admettre dans une confrérie de thugs japonais. Aussi connaissait-il les secrets des fanatiques. En entendant Ikuteruka prononcer la formule secrète, le chef Tug, stupéfait et terrifié, frissonna. Les paroles dites par le détective japonais prouvaient qu'il était un grand dignitaire parmi les sectateurs de Kali. « Pardonne-nous, frère, nous ne savions point » s'écria-t-il tout tremblant. « Nous ne... C'est bien !»« Délie-moi vite, je te pardonne !» fit noblement Ikuteruka. Le Tug ne se fit pas répéter l'invitation et trancha les liens qui retenaient les chevilles et les poignets du prisonnier. Ikuteruka, libre, se laissa glisser de la colonne de pierre qui lui servait de siège et s'adressant au Tug qui attendait respectueusement, demanda « Dis-moi toute la vérité sur cette histoire de rubis. Je charge justement les joyaux pour les replacer dans le temple. Que sais-tu ?»« Oh frère, nous ne savons pas grand-chose, » avoua le Tug. « Nous croyons que le voleur était l'homme qui est mort dans la jarre des scorpions, mais il n'a jamais voulu rien avouer. Il est certainement innocent. » « Mais pourquoi m'avez-vous enlevé ?»« Parce que Tambol nous avait dit que tu étais le complice de l'homme qui est mort. Tambol, qui est un frère Tug, avait été attaqué par toi il y a quelques jours, tu le sais. Après, Tambol a voulu t'empoisonner, mais tu l'as surpris. Il s'est tué pour ne pas être arrêté. Nous, qui t'espognons, nous pensons que tu agissais pour le compte de ce Gilcott, et nous voulions te torturer pour te faire dire où étaient les rubis. »« Connais-tu un négociant de Colombo qui s'appelle Martin Sulak ?» questionna Ikuteruka. « Non. » Ikuteruka regarda le chef Tug et vit qu'il disait vrai. « Eh bien, laisse-moi faire, » conclut le célèbre détective japonais. « Je crois pouvoir te promettre qu'avant 8 jours, les rubis seront de nouveau à leur place dans le temple de Dambula. Maintenant, donne-moi un guide. Il faut que je retourne immédiatement à Colombo. Je crois connaître le coupable. » Le Tug s'inclina. Sur son ordre, ses hommes restituèrent au policier japonais tout le contenu de ses poches qui naturellement lui avait été volé. Le chef Tug s'excusa encore une fois et ordonna à un de ses acolytes de guider le frère hors de la grotte. Ikuteruka, sous la conduite du Tug, sortit de la caverne et, éclairé par la torche que tenait son compagnon, traversa plusieurs longs souterrains et déboucha à la base d'une colline dans un bois de cocotiers. Le Tug qui l'avait guidé lui montra une route qui serpentait à moins d'un demi-mille de là. « C'est le chemin de Colombo à Candy, frère, » dit-il. « En 2 heures, tu seras à Colombo. » Ikuteruka remercia le Tug et s'éloigna. C'était encore la nuit. Mais à la position des étoiles, Ikuteruka jugea que le jour était proche. Il se mit en marche d'un pas rapide. Un peu après le lever du soleil, il fut à Colombo. Mais il se garda bien de paraître à son hôtel. Il s'en fut immédiatement chez un marchand de vieux habits à qui il acheta un ancien uniforme de soldat anglais. Il le revêtit aussitôt, se coiffa d'un casque d'aloès à demi défoncé et de gros souliers aux pieds, sortit complètement transformé et méconnaissable. Ainsi accoutré, il se dirigea vers la maison de Martin Sulak. Les commerçants à qui il s'était adressé peu de temps auparavant, pour avoir des nouvelles du représentant hongrois, ne le reconnurent pas et lui apprirent que Martin Sulak avait été vu la veille, revenu de voyage. Ikuteruka mangea dans un modeste restaurant du quai et pendant tout l'après-midi guetta l'apparition du Hongrois. Vers 4 heures, un homme en qui le détective japonais reconnut celui avec qui il avait vu causer Tambol sortit. Ikuteruka lui emboîta le pas.